Ils ont les boules d'être éconduits. Trop d'échecs, trop de mépris. Trop de mecs en calèche, trop de familles dans la thermie. Trop de questions rendent la population aigrie. Pourquoi ce système accepte que les soumis, l'insoumis, trop jeunes coincés dans leur KGB. Trop jeunes pour casquer et pour capter ce que la vie. Ils demandent à qui profitent les lois. Pour nous gouverner, le courage ne suffit pas. Quel homme indiquera le mode d'emploi, le truc. Quand ils emploient trois éducs pour 600 têtes de turcs. Ceux qui lâchent prise ne peuvent continuer la lutte le temps d'une crise. Quand d'autres saisissent le temps d'une chute. Le pauvre est menacé par la coexistence avec le riche. Ils demandent pourquoi le peuple triche, pourquoi ils se fichent. Pas mal de leur répression chiche pour s'afficher dans les médias et leur donner raison. Pourtant ça ne tourne pas rond dans la maison. Les réponses sont plus rares. Le point d'interrogation. Ils demandent quand est-ce qu'ils arrêteront de confondre la persévérance et l'obstination. Leur rétabli fait naître un tas de frustrations. Tout le monde sait qu'ils nous bluffent avec leur réinsertion. Tout le monde sait que ce sont les mêmes qui mangent, les mêmes qui dérangent, les mêmes qui tendent la main, les mêmes qui se demandent. Ils se demandent quand est-ce qu'ils vont nous prendre, quand est-ce qu'ils vont nous vendre, quand est-ce qu'ils vont nous pendre. Ils se demandent est-ce qu'ils peuvent nous comprendre, à quoi faut-il s'attendre, mais est-ce qu'ils nous entendent. Ils se demandent quand est-ce qu'ils vont nous prendre, quand est-ce qu'ils vont nous vendre, quand est-ce qu'ils vont nous pendre. Ils se demandent est-ce qu'ils peuvent nous comprendre, à quoi faut-il s'attendre, mais est-ce qu'ils nous entendent. Ils se demandent comment fait-on pour vivre à neuf dans un 3 pièces, aller au boulot sans mettre un costume 3 pièces, élever ses gosses en mari, être à l'abri de tout problème même loin de leur pays. Ils demandent quand l'usine fermera, où trouveront-ils du taf, seront-ils SDF. Bref, faudra qu'ils fassent gaffe. Tant de questions, ressens-tu leur méchanceté, rejetée d'abord sur leur propre maître à la vérité. Rattrape le mensonge en un seul jour, leur cœur est un bébé inconsolable, donne-leur un peu d'amour. Ils demandent quand est-ce qu'ils nous prendront au sérieux, quand est-ce qu'ils comprendront que notre rap est loin d'être un jeu. Notre traversée de la vie n'est pas celle d'une rivière. L'homme rusé est plus fort que l'homme puissant et soit fier. Que les jeunes se préoccupent de leur lendemain et ils se demandent ce que c'est qu'une vie de chien. Je me demande si leur haine a une limite. Autour de moi, qui veut vraiment ma réussite. Prendre, vendre ou pendre, quelle que soit leur partie, leur gang, ils finiront en cendres. Ils se demandent qui sont ces rebelles, quel est leur clic. La foule est affolée par cette diaspora qui s'agite. Elle lèche les faves de Jekyll Mister à la hauteur du verbe de ballet rédacteur. Ils demandent quand est-ce qu'ils vont nous prendre, quand est-ce qu'ils vont nous pendre, quand est-ce qu'ils vont nous pendre. Ils se demandent est-ce qu'ils peuvent nous comprendre, à quoi faut-il s'attendre, mais est-ce qu'ils nous entendent. Ils se demandent quand est-ce qu'ils vont nous prendre, quand est-ce qu'ils vont nous pendre, quand est-ce qu'ils vont nous pendre. Ils se demandent est-ce qu'ils peuvent nous prendre, à quoi faut-il s'attendre, mais est-ce qu'ils nous entendent. Ils se demandent